Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 2. Les amoureux de Clairlieu. Vous savez ce que c'est le problème d'une paroisse de 120 habitants dans le Jura? Vous pensez peut-être que c'est l'athéisme ou l'individualisme? Non, oh non, le problème, le seul, c'est qu'on s'emmerde. Je les ai trouvés! Monsieur le maire, ils sont au lac! Mais qu'est-ce qu'elle a, elle, encore, là? Qu'est-ce que t'as trouvé? Bernice! Oh! Bernice! Trouvé qui? Trouvé quoi? Bérénice Pèvre les a trouvés ce matin. Son père, Paul, avait raison. Bavourlan a réapparu aujourd'hui. Elle a eu du cran d'y aller, la petite Bérénice, avec ses petites bottes et sans personne, parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Et elle a trouvé. Citron. Et ça devait pas être... Citron. Bérénice, t'as fini de crier comme ça, oui? Bonjour, Ahmed. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 19 août 2019... Je suis le curé d'une paroisse qui se fait chier comme en l'an 40, mais qui pourrait bien se réveiller. Titouan! Salut! Il y a deux squelettes au fond du lac. C'était vrai, Titouan? Les amoureux de Clairlieu? C'est le truc le plus hallucinant que j'ai vu de toute ma vie. T'es folle d'y être allée toute seule? Les amoureux de Clairlieu? C'est moi qui les ai trouvés! Et c'est comment? Pas comme on avait imaginé. Ils sont tous les deux dans une maison, mais ils ressemblent plus à grand chose, les pauvres. Mais on voit genre des crânes? Deux. Et puis autour, il y a tout un tas d'os. Et au mur, il y a deux grosses chaînes. Donc ils sont morts? Enchaînés. Et noyés. Viens, on va voir. Non, ça m'intéresse pas. Allez, bouge tes fesses, on y va. Ça m'intéresse pas, je te dis. Ah ouais, t'as peur, en fait. Mais t'es malade, j'ai pas envie, c'est tout. Mon cul, ouais, ça fait des années qu'on parle que de ça. Des années qu'on passe tous nos états à écouter aux portes et à fouiller les greniers pour comprendre rien qu'un peu de cette histoire de taré. Et maintenant que je les ai trouvés, tu veux pas aller les voir? T'excites pas, Bérénice. C'est des légendes. Mais, Titouan, qu'est-ce qu'il te faut de plus? La comptine, c'était pas des conneries. Dans le lac de Clairlieu, ils vivaient deux amoureux. Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur. Les amoureux de Clairlieu, ils existent. Mais tu connais la suite. N'approche pas, passant, de ces drôles d'oiseaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. Eh ben c'est le moment, de l'eau, il n'y en a plus. Allez, viens, espèce de froussard. On dit qu'en 1974, quand Bavourlan a été englouti, il y a deux personnes qui n'ont pas voulu partir. Elles sont restées dans leur maison sans se soucier de l'eau qui montait. Et elles y vivent toujours, là, au fond. Elles hantent le lac. Avec ce qu'a découvert Bérénice Pèvre, il y a de quoi penser que cette histoire n'est pas qu'une pure invention. Dans le lac de Clairlieu, il vivait deux amoureux. Des noires profondeurs, ils chantent leur malheur. N'approche pas, passant, de ces drôles d'oiseaux. Si leur chant tu entends, tu finiras dans l'eau. Eh ben, elle est pas bien remplie, cette coopérative, monsieur le maire. André, c'est une catastrophe. Les autres producteurs et moi, on n'apporte plus grand-chose. Le gros frigo est en rade avec la canicule. Et ces 15 pauvres bouteilles de lait ? Baptiste, le Jura, c'est la nouvelle RDA. Ouais, mais nous, nos gymnastes, elles sont nulles. Non, mais t'as vu la gueule des vaches ? C'est des sauterelles. 18 litres qu'elles m'ont donné ce matin, à 12. C'est autant qu'une seule, normalement. Ouais, le compter, ça va être dur cette année. T'as entendu la petite Bérénice ce matin ? Faudrait être un mort malentendant pour pas l'avoir entendu. T'es le maire, Baptiste. On va venir te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Hein ? Merde. Les fêtes, la percée du vin jaune, ok. Mais me retrouver avec deux cadavres au fond de Clairlieu, j'ai pas signé pour ça. Il y a bien cette histoire des amoureux, non ? J'ai pas connu Vourlan, moi. Je suis né après, mais... Ouais, il y aurait eu un drame pendant la construction du barrage. L'histoire des amoureux de Clairlieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu un mort. Peut-être même deux, apparemment. Je sais pas. Quand t'étais enfant, on en parlait à Vourlan ? On disait que... dans la forêt du Bercin, au bord du lac, les 24 novembre, la nuit, on entendait chanter les amoureux de Clairlieu. Eh ben, j'ai jamais pu y mettre les pieds, moi, dans la forêt du Bercin. C'était qui, ces gens ? Mais j'en sais rien, je te dis. On disait aussi qu'il fallait pas boire l'eau du lac. Que ceux qui en avaient bu, ils s'étaient suicidés. Tu l'as déjà bu, l'eau du lac ? Jamais de la vie ! Baptiste, tu sais que c'est des conneries, tout ça. Ouais, mais à Vourlan, ces conneries, on y croit. Mon père ! Oh, oh, oh, oh, qu'est-ce qui te prend de te mettre dans des états pareils, le bourré ? T'as vu le diable, au moins ? Bonjour, monsieur le maire. Mon père, il faut que vous veniez avec moi. Il y a le gros Ribaudier qui se remet à divaguer. Encore ? Oh, je sais pas où il a fichu sa tête, mais là, elle est partie faire un tour, et il vous demande. Je vous suis, le bourré. Baptiste, je salue ton prédécesseur pour toi. Fais donc. Mais attention avec le gros Ribaudier, André. Il a 80 ans, mais quand on est sénile, on sait pas bien de quoi on est capable. Tu vois de la vase ? Ben, je marche dedans, ouais. Chaque été, quand tu te ramènes, c'est pareil, toi. Tu découvres la campagne. C'est de l'eau, Bérénice. Bon, montre-moi le plan. Ok, alors là, on est à la boulangerie Mermont. Ça pue. T'as vu les poissons ? Ils ont été pris au piège, les pauvres. Regarde. C'est un beau brochet, ça. Mais il est déjà amoché. Les corbeaux, ça respecte rien. Tu sais que ça peut vivre plus de 30 ans, un corbeau ? N'importe quoi. Je te jure, là, il y en a qui sont peut-être nés en 89. Tu te rends compte ? Ils ont connu l'URSS. Ton grand-père, il a connu l'Algérie française. C'est pas mal non plus. Yes. Regarde, là on est à la mairie. Une minute de silence pour la santé mentale du gros Ribaudier. C'est cool. Quand même, leur village est sorti de l'eau, il n'y a aucun vieux qui descend voir. Ouais. Les Ribaudier, ils ont vécu là pendant 30 ans. Le gros, c'était le maire. Ouais, bon, le gros, vu comment il perd la boule, je pense pas qu'il le reconnaîtrait. Ouais, mais son frère le grand, il pourrait venir lui, même si c'est un débile. Regarde, Titon, c'est la maison de ton grand-père. La maison de mon grand-père et de ma grand-mère. C'est comme sur les photos, sauf que le jardin est moins joli. Tu veux y aller ? Non, j'ai pas envie. Ton grand-père, il avait quel âge en 74 ? Ah, il est né en 49, donc 25 ans. Mais pourquoi il veut pas venir ? Je sais pas. On y est. T'es prêt ? Non. On va entrer par cette porte. Ils sont juste au fond. Je suis pas sûr de vouloir y aller, en fait. Tu vas entrer dans cette maison et toute ta vie, tu te souviendras du moment où tu auras vu pour la première fois les amoureux de Carlu. Non, mais j'ai pas envie. On y va ensemble. 3. Arrête, Bérénice, me force pas. 2. Non, laisse-moi. 1. Lâche-moi. Go! Bonjour. À suivre. Thank you.